La sec. Sopic, George Kainos. Qu'est-ce qu'il y a, prod? Maza, maza, maza, maza. C'est pas un game, c'est une sec. Tous les cums ont des chattes et des strings sous le champ. Ceux qui jactent dans le charcle. Lyricalement, comme ça y'aura pas de blessé. J'suis dans mon délire, dans mon arnique, ta mère faut me laisser. Comme le gourou, comme mes sauces, j'ai mes soucis. Ils ont voulu que je saute, mais j'ai eu du sursis. Trop de rappeurs sont sur mes côtes, oh, j'écris, je survis. Ces gars-là sont pas mes potes, je ne vois que des sosies. Je vois plus d'unité, plus d'humilité. Sur Facebook, ce rappeur nul a voulu m'imiter. Je rappe que pour les vrais toc toc toc, je vais me tirer. Si le gourou t'es frais, clac clac clac, il faut le tuer. Les petits chez moi, ils veulent tous faire du beurre à Edith. Bon, là c'est magique, mais l'industrie, c'est des rats. On foque ton délire sectaire, barreau dans le secteur. Avec ma clique, ton B8, j'galère. Enchanté, si t'as les mêmes problèmes que nous, bienvenue petit agneau dans la caverne du loup. C'est pas un game, c'est une secte, pas besoin du 3-5-7. Jouez pas les fous, on est plus dingue que vous. Enchanté, si t'as les mêmes problèmes que nous, bienvenue petit agneau dans la caverne du loup. C'est pas un game, c'est une secte, pas besoin du 3-5-7. Jouez pas les fous, on est plus dingue que vous. Dès le réveil, je me dis, faut que j'élimine la tisse de la veille. Ambiance Illuminati, ça sent la secte. Toujours cuit, peu importe l'heure où tu me croises. Reste fidèle à la street, je me vends pas comme Tom Cruise. Je change pas, fuck les gourous et leur équipe. NOSS, Jock Sopic, il est l'heure qu'on kick. Ça vénit le temple solaire, les Ulysse Morling. Constamment à cran, l'itinéraire est maussade. J'ai des pensées sales qui choquent les gens. On transpire l'asphalte, on n'écarte pas les jambes. Prêt à démarrer, c'est le 9-1 département. On est loin du marais et de son putain d'arrondissement. On reste les mêmes, personne dirige notre art. On frappe fort à la DLC et son noble art. Pas besoin de se répéter, nous on reste idem. On vit certes la qualité, peu importe le thème. Enchanté, si t'as les mêmes problèmes que nous, bienvenue petit agneau dans la caverne du loup. C'est pas un game, c'est une secte, pas besoin du 3-5-7. Jouez pas les fous, on est plus dingue que vous. Enchanté, si t'as les mêmes problèmes que nous, bienvenue petit agneau dans la caverne du loup. C'est pas un game, c'est une secte, pas besoin du 3-5-7. Jouez pas les fous, on est plus dingue que vous. Bon, j'en avoue les internautes du petit monde irréel. Je vous présente mon cas qu'on va conjuguer au pluriel. Tout ça, c'est ma faute façon orphelin. L'un de toute passion, j'ai donc trouvé refuge dans le rap et sa petite nation. J'ai vite subi une sorte de dépendance comme un co-oxyco. Sans me douter que ça serait éphémère comme un co-oclico. Pour mieux me référencer, on m'a collé une étiquette sous Pic B, virgule, t'as pas le mental, point 7-7. Aujourd'hui, surtenu par la volonté de l'audimat. Pour leur plaisir, je t'escroie les studios jusqu'au petit mat. C'est pas bon, j'abuse les miens, serait-ce ma nouvelle mif? Je parle en silencieux, mobilisons-nous pour une manif. Pourquoi, quand je pars de faire ma ville, me disent que j'ai le temps, qu'on est mieux à vivre en autarcie comme les gitans? J'ai dû boire trop de coca, j'ai envie de mettre les gaz. Esprit cocasse, les gaz, tenue spéciale pour l'occasion. Enchanté, si t'as les mêmes problèmes que nous, bienvenue petit agneau dans la caverne du loup. C'est pas un game, c'est une secte, pas besoin du 3-5-7. Jouez pas les fous, on est plus dingue que vous. Enchanté, si t'as les mêmes problèmes que nous, bienvenue petit agneau dans la caverne du loup. C'est pas un game, c'est une secte, pas besoin du 3-5-7. Jouez pas les fous, on est plus dingue que vous. C'est pas un game, c'est une secte. Ceux qui jactent, on le charcle. C'est pas un game, c'est une secte. On transpire l'asphalte, on n'écarte pas les gens. C'est pas un game, c'est une secte. Je parle en silencieux, mobilisons-nous pour une manif. C'est pas un game, c'est une secte. Sopic, Balthazar, Jock, Ska, Nocif. C'est pas un game, c'est une secte. C'est une secte. Asso, Dagos 9-1-7-7.